les gens satisfaits. Mais on est plus trompés pour faire. La jalousie la convoitise, qu'a guidé à chaque instant. Tu te laisses emporter, Pucci. Par besoin et par débit, tu te risques à gâcher ce que tu as construit. Check it out, North man, I act like them bad. You can see them feel sad, they want to let me in a hot. Check it out, North man, I act like them bad. You can see them feel sad, they want to let me in a hot. Regardez-moi quand ça passe où j'assure, et c'est où qui prend fait. Contente-toi de ce que tu as. Dans la vie, il y a des choix. À toi d'agir en conséquence pour préserver ton bonheur. Check it out, North man, I act like them bad. Check it out, North man, I act like them bad.